هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بحول الله عز وجل نواصل مع هذه السلسلة المباركة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه السلسلة، إنه ولي ذلك ومولاه. علم القراءة، علم التجويد. Donc on a fait le premier cours concernant cette série sur la science de la récitation, la science de التجويد, et on en avait parlé hier de cette science-là. Et en guise d'introduction, بإذن الله عز وجل, un d'entre vous, باختصار ولكن من البداية إلى نهاية الدرس, de façon résumée, mais par contre du début à la fin du cours, il nous fait un résumé, inshallah ta'ala, il nous dit ce qu'on a dit hier sur cette science-là qui est le tajwid. Yallah. Personne? باللغة الفرنسية أو باللغة العربية. Mohamed, à part Mohamed. Je vous le dis, hein, al-ilm qui n'est pas appris par cœur, ce n'est pas l'ilm. Ça, mettez-le, gravez-le dans vos têtes. Ça, c'est pas du ilm. Hein. À partir du moment où une personne est perdue, d'accord, dans une science, peu importe, la jurisprudence, dans un sujet, peu importe le sujet, mais qu'il est perdu tant qu'il n'a pas de support, ce n'est pas de la science qu'il a acquis qui va être bénéfique. Clair? Donc c'est du par cœur sur toutes ces sciences-là. La science du tajwid, c'est une science, je vais pas dire une science limitée, mais ce n'est pas une science très vaste comme quand on va rentrer dans un sujet de jurisprudence. On ouvre la porte, peut-être tu ne la refermeras jamais dans ta vie, parce qu'il y a tellement de divergences, il y a tellement de aqwal, il y a tellement de non-sauces, il y a tellement de règles, il y a tellement... Ici, ça n'a rien à voir avec la science du tajwid. La science du tajwid doit être connue du début jusqu'à la fin par cœur. Par cœur. Ce n'est pas, je sais comment sortir al-huruf, d'accord, parce que je l'ai entendu de telle manière, j'ai pris l'habitude, j'ai... Non, si tu sais pourquoi, quelles règles, comment, de quelle manière. Et comme on a dit hier, plus la personne apprend, et plus elle se rend compte de son ignorance. Amma l'ignorant, qui ne se rend pas compte de son ignorance, c'est ce qu'on appelle al-jahl al-murakkab wal-iyadu billah. Amma al-alim, le savant, c'est celui qui plus il apprend, plus il se rend compte qu'il est ignorant. C'est pas ignorant dans ce qu'il a appris. Ignorant par rapport à la grandeur de cette science. Tellement que cette science est vaste. Wadih? Donc, ici, il faut réviser les cours. Barakallahu fikum. Donc, ici, un résumé. Mohamed. Yallah. Vient de la racine jawada, améliorer. Non. À l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, ici je veux pas trop m'attarder, donc barakallahu fik ahsant lakin ici, parce que je pense pas qu'on entend. On entend quand le frère répond ou pas? Parce que pour après la vidéo. Al-muhim, ici à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, le prophète lui-même, quand il récitait le Coran, as-sahaba radiyallahu anhum wa radhum, quand il récitait le Coran comme Allah azza wa jalla a ordonné, comme قال subhanahu wa ta'ala warattil al-Quran tartila, et récite le Coran, c'est-à-dire comme on avait dit hier, de façon lente et correcte, comme il se doit. Est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam le récitait avec les règles? Il le récitait avec les règles. As-sahaba, il le récitait le Coran al-Karim avec toutes les règles de tajwid. Lakin, à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, tellement qu'ils étaient forts en langue arabe, tellement pour eux cette science-là c'était une chose naturelle, ils étaient très calés dans la langue arabe et ils étaient connus pour être de grands poètes. C'était tellement simple et facile pour eux qu'ils n'ont pas consigné cette science-là avec des règles écrites sur papier. Ensuite, au fur et à mesure du temps, ici, pour préserver ces règles-là, la bonne récitation, ici, les savants commençaient à consigner, à écrire les règles de tajwid pour préserver la bonne récitation. Ensuite, on avait dit, il y avait ilm al-qira'at. C'est la science des récitations. Ça, c'est le grand titre. La science des récitations, elle englobe combien de branches? Trois branches. La première branche, la connaissance du tajwid. La connaissance du tajwid se décompose en deux parties. Il y a al-nadari, ilm al-nadari, c'est-à-dire etc. Donc ici, ça c'est ilm al-nadari. C'est-à-dire, عند الجمهور, ce n'est pas obligatoire. بعد العلماء, ils ont dit c'est obligatoire. Celui qui délaisse, c'est-à-dire, il est pécheur. آثم. D'accord? Donc, c'est tout ce qui concerne les règles comme الإخفاء, القلقلة, الغنى, إلى آخره. D'accord? Ça, c'est علم النظري. Et certains savants, ils ont dit même ce علم-là, cette science-là, elle est obligatoire. Celui qui la délaisse, il est pécheur. Ça veut dire, tu ouvres le Coran, le Karim, le Mus'haf, tu lis sans les règles de Tajwid. Pour certains savants, tu es pécheur. À partir du moment où tu dis pas, min sharri. D'accord? Tu fais pas, ici, الإخفاء, tu appliques pas التارقير. Tu es pécheur. Donc, peut-être, tu veux faire le bien alors que tu accumules des péchés. وهذا عند الجمهور, comme on a dit, ça, c'est chez la majeure partie des gens de science que cette science-là, elle n'est pas obligatoire, mais elle est fard. Kifaya. Une partie des savants, ici, ou une partie des gens s'en charge de la communauté, le reste de la communauté, elle est exemptée. Wadih? Et ici, on continue avec la deuxième science qui est ilm al-amali. D'accord? At-tajwid al-amali, c'est quoi? C'est ce qui est obligatoire. C'est le fait de réciter le Coran al-Karim correctement. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de changer une lettre du Coran, de changer une voyelle, ou que le sens change. Et ça, bi-ijma', c'est haram. C'est-à-dire que si tu le fais, tu as fait un péché. Clair? Et on avait donné des exemples. Et cette récitation, elle est obligatoire. La preuve de cela, warattilil Coran tartila. Récite le Coran comme il se doit. C'est-à-dire, tout le monde est obligé d'avoir une récitation correcte. C'est-à-dire, quand tu récites, chaque lettre est prononcée. Chaque lettre est respectée. Et même s'il n'y a pas les règles, comme on a dit, al-irfa, al-ghunna, ila akhiri, lakin tu récites correctement. La voyelle, tu ne la changes pas. La lettre, tu ne la changes pas. Et le sens, tu ne le changes pas. Wadih. Par exemple, on avait dit, alhamdalillahi rabbi, au lieu de alhamdu. Ça, c'est wadih. Ça, c'est interdit. Bi-ijma. Ou par exemple, on avait dit, quelqu'un qui va dire, iyaka na'budu wa iyaka. Ça, c'est bon. Parce qu'il a mis la shidda. Il a mis la shidda. Ici, quelqu'un va la faire sans shidda. Il va dire, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ça, il a fait une récitation interdite. Haram, et c'est des paroles de kufr. Parce que Iyaka na'budu, ça veut dire quoi? C'est toi seul que nous adorons. Iyaka na'budu. Sans la shidda, ça veut dire quoi? C'est la lumière du soleil que nous adorons. Wadih. Par exemple, quelqu'un, il va partir dans al-irfa. Ou alors, il va partir dans une règle. D'accord? Qui, à la base, عند الجمهور, n'est pas obligatoire. Walakin, à cause de l'application mauvaise de cette règle-là, il va déformer une lettre après. C'est-à-dire, le da, il va le rendre da. Ou le ta, il va le rendre ta. Ou l'axe. Ou bien l'inverse. Ça, c'est interdit et il est pécheur. Ou alors, une personne qui va emphaser trop une lettre. Par exemple, fi sudurin nas. Vous avez vu, fi sud, c'est le sad. Mais il part trop dans l'emphase, fi sudur, ah, et le da, il a mis un da au lieu du del. Donc là, c'est interdit bi ijma', celui-là il a fait un péché. Wadih ila akhir. Clair? Ensuite, ça on avait dit cette science c'est une fard ayn. La deuxième branche. Non, on a dit la première branche, c'est les deux types de tajwid, de science de tajwid, an-nadari wal amali. Et la deuxième branche c'est les différentes lectures. On avait vu les erreurs, barakallahu fik, qu'on avait dévié sur ça, sur les erreurs, sur al-lahn. Il y a al-lahn al-jali et al-lahn al-khafi. Al-lahn al-jali, c'est quoi? C'est une erreur évidente. Al-lahn al-jali. Et al-lahn, ça veut dire quoi? Une erreur grammaticale. Et qu'on va retrouver dans, ici, les règles de al-adhan. Et ici, on a dit al-lahn. Al-jali, c'est une erreur grave, évidente. Comme on avait donné les exemples précédemment, ou par exemple, Iyaka na'budu, d'accord, au lieu de dire Iyaka na'budu, on va dire Iyaka na'budu. Ça, c'est des erreurs graves, évidentes. Et il y a al-lahn al-khafi, subtil. C'est quoi? Naam. Et c'est quoi par exemple? C'est le qalqala, c'est l'ikhfa, il a akhiri. Wadih? Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a vu la deuxième branche? Les différentes récitations, les différentes lectures, c'est quoi? Naam, il a été révélé en une lettre. Ensuite, le prophète, il a insisté, et après, Jibril, alayhi salam, l'a révélé en combien? 7 lettres. C'est-à-dire, 7 lettres, c'est dans le sens de 7 variantes. Claire? Combien de lectures il y a? 10 lectures. Est-ce que les 10 lectures, c'est une relation avec les 7 variantes? On trouve les 7 variantes dans les 10 lectures. D'accord? C'est pour ça qu'il n'y a pas qu'une lecture dans le Coran, il n'y a pas que 2, il n'y a pas que 5, il n'y a pas que 7, il y a, si on les résume tous, il y a 10 lectures. D'accord? Et ce qui est sûr, c'est que, entre les, maintenant on parle des variantes, entre les variantes, il n'y a aucune, aucun, aucune quoi? Aucune contradiction dans les 7 variantes. Et ici, parmi les causes, c'est quoi? C'est qu'il y avait différentes tribus, différents dialectes pour faciliter, et ça c'est une miséricorde de la part d'Allah Azza wa Jalla, à tout le monde de réciter. Certains avaient du mal à prononcer la hamza, mu'minoun. Donc ici, dans une récitation, tu vas trouver mu'minoun, surtout dans warsh. Il a akhiré, on a vu même que des mots, ils changeaient. Par exemple, kathira, dans une autre récitation, tu vas trouver kabira. Walakin, ici, comme il a dit Ibn Mas'ud radiyallahu anhu arda, c'est comme si tu disais à quelqu'un, ta'ala, taqaddam. Ici, tu vas utiliser des mots différents, mais qui ont le même sens. C'est-à-dire, tu vas dire, viens, approche-toi, etc. Clair? Ensuite, qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu quoi? Les 3 modes de lecture, c'est التحقيق الحضر التدوير احسنت ça veut dire quoi التحقيق التدوير نعم et ça les 3 ils sont autorisés clair les 3 ils sont autorisés et ils sont bonnes mais dans les 3 récitations on doit obligatoirement appliquer quoi les règles de tajwid. Naam. Ensuite, on avait terminé en disant quoi? En disant que ici, les savants les plus connus, d'accord? Parmi les savants, il y a Ibn al-Jazari, rahimahullah ta'ala, et c'est lui qui a fait le matn et plusieurs paroles, et parmi ces vers, il y a al-Jazariya, qui est en langue arabe, et je vous ai dit, au fur et à mesure, on traduira, et de là, ici, on voit que les savants ont utilisé ces vers-là, ces paroles-là, pour pouvoir expliquer cette science-là dans les détails. Ala kulli hal, bi-idhnillah azza wa jal, on va commencer le deuxième cours qui est makharijul huruf bit-tafsil, dans les détails. Le problème maintenant, c'est que là, on en fait une série vidéo. Claire? Donc, quand on va faire cette série vidéo, donc quand les vidéos sortiront, donc le frère, je te montrerai quelle image au fur et à mesure que tu montreras dans la vidéo pour que ça soit clair. Parce que les gens qui nous suivent sur internet maintenant, ça va peut-être pas être clair parce qu'il n'y a pas les images. Mais j'essaie de vous résumer la chose de façon la plus claire et concise possible. Et je vous le dis, ici, le niveau, il reste bas. Mais le niveau, il reste suffisant pour qu'alhamdoulilah, bi'idnillah, azza wa jalla, billah, il t'offre chacun une bonne récitation. Mais baisser plus bas de niveau, je peux pas. Et sans se glorifier. Là, nous akhir Allah yahada, fa wa rabbil ka'ba, pas pour me glorifier. Je pourrais monter beaucoup plus le niveau, mais je veux pas. Mais donc, si les gens arrivent à se plaindre en disant ça, je ne comprends pas et autres, c'est qu'il y a un manque de concentration, un manque de travail personnel. Donc, je vais essayer d'être le plus clair et concis possible, bi'idnillah, azza wa jalla, et en faisant intervenir des images. Maintenant, dans la vidéo enregistrée, il y aura les images, vous les verrez tranquillement. Maintenant, on a fait publier juste tout à l'heure sur le Facebook une image. D'accord? Ça, c'est un résumé de toutes les explications que je vais donner. Je vais expliquer en parallèle cette image-là, incha'Allah ta'ala. Essayez de vous concentrer au mieux. À la kulli hal, vous la regardez, bi'idnillah azza wa jal, et vous suivez, incha'Allah ta'ala, en parallèle. Ensuite, il y aura d'autres images. Je peux pas sortir toutes les images, sinon il faudra imprimer plusieurs images. Mais je vais vous expliquer, bi'idnillah azza wa jal. Donc là, on est dans le deuxième cours qui est makharijul huruf. D'accord? C'est-à-dire les points d'articulation. D'accord? Les points de sortie des lettres. D'accord? Makharij, donc on parle de sortie du verbe qui vient de kharaja, il est sorti. Makharijul huruf, c'est la sortie des lettres. Les savants, al-ulama, ils divergent quant au nombre de points d'articulation ou de sortie des lettres. Il y a une divergence au sein des gens de science. Certains gens de science ont dit qu'il y en a 16, d'autres ils ont dit qu'il y en a 14, Et d'autres, ils ont dit qu'il y en a 17, 17 makharij, 17 points de sortie des lettres. Clair? Ibn al-Jazari, rahimahullah ta'ala, lui, il prend l'avis comme quoi il y a 17 points de sortie, d'articulation. D'accord? Donc ces 17 points de sortie de lettres, on va voir ces points dans les détails, incha'Allah ta'ala. Tout en sachant que l'alphabet arabe comporte combien de lettres? 28. Si on rajoute ici al-alif, donc à ce moment-là, on en compte 29. Donc ici, on va parler de ces 17 points de sortie. Donc ici, on va prendre 4 ou 5 plutôt, regrouper 5 principaux lieux de phonation. Donc c'est les endroits où vont sortir ces lettres-là. Il y a 5 endroits. D'accord? Là, on est ici dans des endroits qu'on va expliquer et détailler, incha'Allah ta'ala. Il y a ce qu'on appelle al-jawf. Al-jawf, c'est le vide. Al-jawf, je pense pas qu'ici, ils l'ont mis ici. Non, le vide. Al-jawf, ils l'ont mis, ceux qui l'ont en couleur, en jaune. Vous voyez un jaune, ou une couleur plutôt jaune pâle. Ça, c'est ce qu'on appelle al-jawf. C'est-à-dire, ici, que c'est un endroit qui est vide, où va passer, d'accord, où va sortir le son. Mais quels sont, quelles lettres, on va voir, bi-idnillahi azza wa jal. Il n'y a pas vraiment d'endroit d'où sortent ces lettres, c'est le seul, al-makhraj al-muqaddar, point de sortie estimé. Ça, on va le voir, bi-idnillahi azza wa jal. Ici, il y a un deuxième endroit qui est la gorge, tout simplement, al-halq. Et on va citer al-jawf, cette partie vide, d'où sortent ces lettres, quelles sont ces lettres? Al-halq, la gorge, où est exactement cet endroit-là? Quelle lettre sort de cet endroit-là? Il a akhir. Donc on a al-jawf. D'accord? C'est tout ce que vous voyez comme qui est jaune. Jaune plutôt pâle. Ici, on a al-halq. Al-halq, c'est quoi? C'est la gorge. Donc ici, al-halq, ils l'ont mis, de façon jaune avec des petites rayures. Vous voyez? Jaune avec des petites rayures. Et il y a, et tout ça on va revenir, hein, il y a al-lisan. Al-lisan, c'est clair, c'est la langue. Ici, ils l'ont mis en rose. Vous le voyez? Al-lisan. Donc repérez-vous par rapport à ce schéma. Parce que ce schéma, en général, vous allez le retrouver à chaque fois dans les livres explicatifs des règles de tajwid. Il y a les lèvres. Al-shafatan. Les lèvres, al-shafatan, c'est ici, donc, en rose, plus prononcé. D'accord? Mouhim, c'est les lèvres, de toute façon, vous le voyez. Clair? De toute façon, même ceux qui n'ont pas les photos, je vais bien expliquer dans les détails, bi-idnillah. Et ici, il ne faut pas s'inquiéter. Au début, vous allez voir, ça paraît un peu compliqué. Mais au fur et à mesure, quand on va réexpliquer les lettres, dans les détails, par exemple, al-qalqala, etc., je vais revenir sur tous ces points. Mais là, je vous les donne en bloc. Toutes les sorties de lettres. Al-makharij. Ensuite, quand on va expliquer les règles, je vais revenir à chaque fois sur cette lettre. Là, on est en train d'expliquer le qaf, elle est où sa sortie, etc. D'accord? Mais là, je vous les donne un peu en bloc. Donc, paniquez pas, ne vous dites pas, je comprends rien, c'est trop compliqué. Ça va revenir, bi-idnillah azza wa jal, au fur et à mesure. Claire? Suivez bien. Et il faut se familiariser avec cette photo-là. On a quoi encore? Ici, on a le nez. Ce qu'on appelle en arabe, al-khayshoum. D'accord? Donc, le nez ou cavité nasale. Et le nez ici, l'ont mis en bleu. Clair? Donc sur ça aussi, bi-idnillah azza wa jal, on va revenir. Wadih? On reprend depuis le début. On avait dit, il y a ce qu'on appelle al-jawf. Donc ici, c'est des sons qui sortent de cet endroit-là. D'accord? Donc de la bouche qui va jusque la gorge. C'est un endroit, d'accord, où va sortir des lettres qui sont au nombre de 3. Et ces lettres-là sortent uniquement de la bouche et le nez n'intervient pas. Il n'y a pas de runna, il n'y a pas de nasalisation, il n'y a rien. Elles sortent normalement. D'accord? Elles passent directement pour sortir. Wadih? Ces lettres, c'est quoi? C'est le A. Et vous le voyez, suivez le schéma en jaune. Et regardez, imaginez-vous maintenant ce schéma dans la tête et prononcez le A. Vous voyez qu'il n'y a aucun obstacle. D'accord? Et c'est comme ça qu'on analyse makharijul huruf. Pour que quand tu vas réciter, ça va être plus clair pour toi. Parce que tu as les détails, tu as le schéma. Donc tu as le A, il sort directement. Wadih? Il n'y a aucun obstacle. A, rien de compliqué. Il y a le Ya, ça suit aussi. Il y a le Ya. Donc là on est dans comment prononcer bien les lettres arabes. Comment prononcer ces lettres-là? On a le y a aucun obstacle. Clair? Et on a le waou. D'accord? Wa. D'accord? Wa. Aucun obstacle. Clair? Est-ce qu'on a utilisé le nom, la nasalisation? Non, on n'a pas eu besoin. Clair? Ça, c'est les trois lettres qui concernent cet endroit qui s'appelle Al-Jawf. Wadi. Le deuxième endroit, ici, qu'on va, ou dont on va parler, c'est ce qu'on appelle ici Huruf Al-Halq. Huruf Al-Halq. Et Huruf Al-Halq, c'est quoi? C'est les lettres qui vont sortir de la gorge. Maintenant, la gorge, vous regardez dans le schéma toujours. Dans le schéma qui résume toutes ces règles-là. Et ce schéma-là, ici, on voit Al-Halq. C'est indiqué de toute façon. Donc, c'est l'endroit qui est jaunâtre avec des rayures. D'accord? De toute façon, quand vous regardez, vous me voyez moi par exemple, c'est la gorge. D'accord? C'est ça, c'est la gorge. Clair? C'est ça ce qu'on appelle Al-Halq. Donc ici, il y a trois endroits concernant Al-Halq. Il y a trois endroits. Il y a ce qu'on appelle Adna Al-Halq. Il y a Wasat, Wasat Al-Halq. Et il y a Aqsa Al-Halq. D'accord? C'est Adna Al-Halq, c'est l'entrée de la gorge. D'accord? Il y a Wasat Al-Halq, c'est le milieu. Et il y a ici Aqsa Al-Halq. D'accord? Aqsa Al-Halq, c'est-à-dire ici, c'est là, c'est le fond de la gorge. Wadih? Donc ici, ils sont sur le schéma. Celui qui est tout en haut, c'est ce qu'on appelle Adna. Celui qui est au milieu, c'est Wasat. Et quand on descend en bas, c'est Aqsa. D'accord? Donc quand on parle de Aqsa, c'est le fond de la gorge. Ensuite le milieu. Et ensuite, ici, on passe à quoi? À l'entrée de la gorge. Wadih? Vous suivez bien jusque là? Donc ici, on est à la gorge où on s'arrête avec la gorge. Et on a vu que la gorge comprend trois points. Qu'est-ce que veut dire ces trois points-là? Ça veut dire que c'est des points de départ pour des lettres. Quand on commence par le premier départ, qui est l'entrée de la gorge, adna al-halq, d'accord, adna al-halq, c'est-à-dire l'entrée de la gorge, c'est ce qui est en haut de la gorge. Clair? Donc ici on est en haut de la gorge. En haut de la gorge, il y a deux lettres qui sortent. Leur point de départ, c'est là. Après, on passe à wasat al-halq, le milieu de la gorge. Il y a deux lettres qui vont sortir par là. Ensuite, ici, on va passer à aqsa, c'est-à-dire le fond de la gorge. Et donc ici, il y a deux lettres qui vont sortir du fond de la gorge. Et vous allez les sentir quand vous allez les prononcer de toute façon. Clair? Donc, quelles sont ces lettres-là? Au fond de la gorge, vous avez deux lettres qui est, et vous allez les sentir si vous les prononcer, c'est le ha. Et le A. D'accord? Le Ha et la Hamza. Même si tu prononces, tu vas faire Ha, Ha, Ha, Ha. D'accord? Vous voyez quand on fait comme ça? Regardez, c'est où qu'on le fait? C'est au fond de la gorge. Clair? En général, après je sais pas, mais en moi c'est au fond. D'accord? Quand tu veux chercher au fond de la gorge pour le faire, tu peux pas aller au... Ça y est, là c'est le fond de la gorge. Donc le fond de la gorge, c'est là que va sortir le Ha. Clair? Et ici va sortir aussi le A. D'accord? Tu le sens? Vous le sentez ou pas? Oh, que c'est au fond de la gorge. Oui ou non? Ha, A. Ha, A. Au fond de la gorge. Ensuite, on passe à wasatul halq. D'accord? C'est-à-dire au milieu de la gorge. Et wasatul halq, il y a deux lettres. Et là, vous voyez, ils sont inscrites. Vous avez le ha et le aïn. D'accord? Ha. Et le aïn. Vous voyez tout à l'heure le ha, c'était plus loin. A, A, c'est, il doit sortir au fond de la gorge, le A et le ha. Là, tu montes un degré au-dessus. Et tu passes à ha. Et là, le ha, tu écrases. D'accord? D'accord? Pour faire sortir le son ha. Ha. D'accord? Et aïn. D'accord? Donc aïn, c'est le même endroit. Voilà qu'en ici, tu relâches. Tu l'écrases pas comme pour le ha. Donc ici, tu fais pas la même compression et tu sors le aïn. D'accord? Aïn. Wadih? Ha et aïn. Donc, on a dit le ha et le a. Le hamza, c'est au fond de la gorge. Wasatul halq. On a le ha et le aïn. Et maintenant, on passe à Al-Adna. Ah, d'accord, c'est à l'entrée ici. Et à l'entrée, il y a deux lettres que vous avez, c'est quoi? Le Kha et le Rain. D'accord? Le Kha et le Rain. Et est-ce que vous les sentez que c'est tout en haut de la gorge, à l'entrée de la gorge? On les sent Kha et Rain. C'est-à-dire, on se rapproche de quoi? On se rapproche de la langue, là. D'accord? Kha et Rain. D'accord? Voilà comment tu dois expliquer Makharij al-Huruf. Et ensuite, il y a d'autres détails qu'on va voir au fur et à mesure. On va revenir dans l'emphase qui est avec le tarqiq aigu, avec le tafrim emphasé, comment on va le sortir bien, etc. Et on va voir des règles que je pense vous n'avez jamais entendues, wallahu a'lam. En tout cas, du moins ici. D'accord? Parce que je connais à peu près les niveaux. Ala kulli hal, on va voir étape par étape. Là, vous avez compris les trois sorties des lettres. Ça, c'est les points. Quand on te dit d'où il sort le ayn, ça, maintenant, tu sais le dire. D'où il sort le Ha, tu sais le dire. D'où il sort le Kha, tu sais le dire. Tu connais, maintenant t'as une image. Wadih. Maintenant, ici, vous allez voir, ici pour ceux qui verront à travers la vidéo, là il y aura trois photos, bi'idnillah azza wa jal, où vous verrez, ou peut-être que le frère, dans le futur, inshallah, il les aura mis avant que j'ai parlé maintenant. Donc, ala kulli hal, le mohim, il y aura trois photos explicatives, ceux qui voudront revenir dans la vidéo, inshallah ta'ala. D'accord? Ces trois photos, simplement, ça nous montre que, ce qui sort à l'entrée de la gorge, comme al-rain et al-kha, ici, il montre ici avec un schéma où il y a une compression. D'accord? Et on sent une compression ou pas? Ensuite, quand on passe au ayn et au ha, on relâche un peu. Ayn et ha. Et ensuite, ici, quand on passe au ha et au a, on relâche plus. Ha et a, on relâche plus. Ça, vous le verrez, inshallah ta'ala. Wadih. Donc ça, c'est concernant al-jawf. A, waw, ya, il sort directement. Wadih. La deuxième chose, huruf al-halq, la gorge. Les trois points de départ de ces lettres-là. Clair? Et là, on va voir huruf al-lisan. Les lettres, d'accord, dont le point de départ, leur point de départ est al-lisan, la langue. Et ici on va faire une explication et ensuite on va le voir en image bi'idnillah azza wa jalla. Donc l'explication, al-lisan, la langue, il faut savoir qu'elle comprend 10 points d'articulation, d'accord, 10 points d'articulation de sortie différentes, d'où sort 18 lettres. La langue, elle a 10 points. D'accord? Il y a 10 points où sortent 18 lettres. Il y a 18 lettres qui sortent à partir de quoi la langue? Regardez. Je vais vous les énumérer, inshallah ta'ala. Il y a un, là je vous les énumère, d'accord, avec quelques petits mots techniques. Mais bi'idnillah azza wa jal, ensuite, je vous dis en image, mais voilà, je vous réexpliquerai par rapport aux images. Ceux qui verront la vidéo, ils verront les images, mais je vous faciliterai l'explication, inshallah, par la suite. Là, on rentre un peu plus dans les détails, après je reprends. Wadih. Là, on est dans, ici, huruf al-lisan, qui sont, leur point d'articulation, c'est la langue. Donc, on a la première partie, ou le premier point de sortie. C'est la partie postérieure de la langue, ce qu'on appelle aqsa al-lisan. D'accord? La partie postérieure de la langue. Aqsa al-lisan. Aqsa al-lisan, là, vous le verrez ici, là, en image, dans la vidéo, inshallah ta'ala. Vous pouvez vous le verrez ça dans la vidéo, bi'idnillah azza wa jal. Et là, je vais vous le montrer ici à vous, un peu en vous faisant imaginer une langue. Wadih. Donc, ici, comment j'ai rien imaginé? J'aurais dû prendre un mouhim. Naam, voilà comme ça. On va imaginer, ça c'est la langue. D'accord? Donc ça c'est la langue. Donc on a des parties. Ça c'est le devant de la langue. D'accord? Ça c'est, je vais pas sortir ma langue sinon je pourrais pas parler. Donc vous imaginez que c'est une langue, hein. Donc ici ça, on prend le cas, d'accord, que c'est une langue. Ce n'est pas une langue. On va dire que c'est tamthil encore haramoula. Mouim. Donc ici ça c'est le devant de la langue. Ça c'est wasatul lisan, le milieu de la langue. Et ça c'est le fond de la langue. Clair? Donc le fond de la langue, c'est ce qu'on appelle aqsa al-lisan. D'accord? Vous le sentez, c'est le fond de la langue. Ensuite on a wasatul lisan, et ensuite on a tarful lisan. C'est le devant de la langue, la partie devant de la langue. D'accord? On a une langue, on a le fond, aqsa al-lisan, on a le milieu, wasatu al-lisan, et on a le devant de la langue, tarful lisan. Wadih? C'est clair? C'est les trois points principaux qu'il faut connaître de la langue. C'est comme la gorge. On a le fond, on a le milieu, on a l'entrée. Pareil, là la langue, on a le fond, on a le milieu, et on a l'entrée. D'accord? Maintenant je rentre dans l'explication. Le premier point de départ, c'est la partie postérieure de la langue, c'est-à-dire le fond de la langue. On est d'accord? Là, je vais parler de lettres qui vont sortir du fond de la langue. Et ici, ce qu'on appelle aqsa al-lisan, au niveau du pharynx, avec ce qui suit de la partie supérieure du palais, forme le point d'articulation du qaf, qu'on emphatise, lettre grave. Quand on dit at-tafrim, c'est l'emphase, on emphatise la lettre, c'est-à-dire qu'on la dit de façon grave. Par exemple, le qaf, qaf, c'est pas qaf. L'aigu c'est connu, c'est e, le grave c'est plutôt o. Wadih? Donc là quand on dit emphase, c'est plutôt, c'est un son grave. O. L'aigu c'est e. D'accord? Et donc là, qaf, ça tend vers le grave ou vers l'aigu? Vers le grave. D'accord? C'est pour ça qu'on dit que c'est une lettre emphasée, grave. Donc là, c'est un plus et on le verra par la suite, inshallah ta'ala, dans les détails. Là, on a la lettre qaf. C'est-à-dire qaf, vous voyez qu'elle sort d'où le qaf? On utilise la langue ou pas? Oui, parce que ça, on a monté de degrés, là, on est au fond de la langue. Mais c'est le fond de la langue qui s'appuie contre le palais. Et donc, on donne le qaf. Qaf. Qaf. D'accord? C'est tout le fond de la langue qui travaille. Qaf. Wadih? Vous le sentez tous ou pas? Quand vous dites qaf. D'accord? Qaf. Qaf. Qaf. Wadih? Donc, voilà le point de sortie de la lettre qaf. Donc ici, al-qaf, il sort, d'accord, du fond de la langue. On le compresse, d'accord, ici, le fond de la langue, et on sort le qaf. Qaf. Wadih? Si vous voulez sortir bien les lettres, c'est comme ça. Faut pas dire, moi j'ai une autre technique, mais ça donne le même son. Là, tu vas te fatiguer. Et quelquefois, tu vas glisser vers une autre lettre. Et tu vas tomber sans le savoir dans al-lahn, ici, dans une erreur grammaticale qui fait partie de l'ahn al-jali. Évidente et grave. D'accord? Donc ça, c'est les points de sortie. Ensuite, je vais vous redonner un exemple. Hein. Je vais vous montrer en photo. Ici, je ne sais pas comment on va faire. Mais en tout cas, ici, ala kulli hal, je pense, l'art, tu mettras au fur et à mesure. Hein. Clair? La deuxième, le deuxième point de sortie. La partie supérieure de la langue, légèrement en dessous du point d'articulation du qaf, la partie supérieure de la langue, d'accord, légèrement en dessous du point d'articulation du qaf, avec ce qui suit de la partie supérieure du palais, forme le point d'articulation du kaf, lettre aiguë. Le qaf est plus proche de la gorge. Clair? C'est pas clair? On a le qaf. D'accord? La langue. Le qaf. On a dit à quoi? Il y a aqsa al-lisan. Wasatul lisan, tarful lisan. D'accord? Le fond, le milieu et le devant. Maintenant, il y a des endroits intermédiaires pour certaines lettres. Ça veut dire que le fond, c'est le qaf. Approche-toi un peu maintenant, avance plus, mais va pas jusque le milieu. Là, on n'est pas au milieu, là. On est avant le milieu. Et là, on sort le quoi? Kef. Kef. Vous sentez que vous êtes encore pas au milieu? Vous sentez ou pas? Qaf. Juste un peu après, on a le kef. Qaf, kef. T'avances juste un peu. Wadih? Ça, c'est le point de sortie du kef. Juste après le qaf. D'accord? Le fond de la langue, t'avances un tout petit peu. Wadih? Troisième point de sortie. C'est, on est arrivé à wasatul lisan. C'est le milieu de la langue. Donc là, avec ce qui suit de la partie supérieure du palais, ce qui suit avec la partie supérieure du palais, forme le point d'articulation du jim et du shin et du ya. Ces trois lettres-là, ils sortent à partir de quoi? Wasatul lisan. Al-wasat. min lisanik, ici va sortir, d'accord, min wasati lisanik, du milieu de ta langue va sortir trois lettres. Et c'est au niveau du palais, c'est pareil. D'accord, c'est à la même hauteur. Donc ici, il y a le jim. Jim, tu vas coller ta langue au palais, mais le milieu de la langue. Jim, shin, ya. Est-ce que vous sentez ou pas? Jim. Va pas chercher le jim ailleurs, hein. Va pas chercher le jim ici devant en mettant ici parful lisan, en l'appuyant ici devant, juste en dessous les dents de devant dans le palais, d'accord, au début du palais. Non, c'est cet endroit là où il y a le milieu de la langue, c'est-à-dire la langue est là, tu soulèves la langue, le palais est collé. Jim, shin, ya, d'accord, jim, shin et ya. Vous le sentez tous ou pas? Ça, c'est les trois endroits. Avec les photos, ça va être un peu plus clair. Ici, quand vous reverrez la vidéo, si vous voulez. Voilà, qui normalement, c'est wadi. C'est-à-dire au milieu. Jim. D'accord? Jim. Ça veut dire qu'il faut jouer avec la langue, surtout pour le jim, hein. C'est-à-dire, il faut pas aller la chercher ailleurs. Jim. Shin. Et ya. D'accord? On a le quatrième point de sortie. Un des bords à, ou les deux de la langue. Qawlu raj est le mieux, c'est les deux bords. D'accord? Et là, vous allez voir que, ici, cette lettre-là, elle est un peu spécifique. Et là, on parle de quoi? Ad-da. Le da. Pourquoi elle est spécifique? Vous allez le voir. Donc, s'appuyant contre les, ce qu'on appelle al-adras. C'est les prémolaires et molaires supérieurs. Les prémolaires et les molaires supérieurs. Donc ici vous avez la dentition comme ça. Regardez. Comme ça, les dents. Donc là, les prémolaires, là on parle de, du côté. D'accord? Des deux côtés là. Les prémolaires et les molaires supérieurs. C'est-à-dire supérieurs, d'accord? D'en haut. Regardez. Là on est sur les côtés. Clair? Donc s'appuyant contre les al-adras, prémolaire et molaire supérieur, donc formant le point d'articulation du bad. D'accord? La langue arabe est également appelée ici louratu bad, la langue du bad. Pourquoi? Parce que ici c'est une lettre spécifique à la langue arabe et qui est la plus difficile à prononcer, le bad. C'est pour ça que les lecteurs al-qurra et ici les gens qui ont, comme on avait dit, l'oreille fine, d'accord, c'est pour ça qu'on a besoin toujours de réciter devant plus savant que lui. Pour ça, combien de gens de science rapportent des histoires sur le fait qu'ils ont étudié avec des gens de science de la lecture de Tajwid pendant 40 ans, pendant 30 ans, ils voyaient des personnes âgées qui récitaient devant eux et qui récitaient les mêmes versets coraniques, etc., ainsi de suite, hein, pendant des 30 ans, pendant des 40 ans, pour toujours vérifier que leur récitation est bonne. Parce que toi, tu vas peut-être pas capter des erreurs qu'une personne plus savante que toi dans cette science-là va capter. On a toujours besoin d'une personne qui nous corrige. On a toujours besoin de corriger et vérifier si notre récitation est bonne. Et plus la personne a de la science et de l'expérience, plus elle aura l'oreille fine. Et ceux qui ont l'oreille fine dans la science, ils savent très bien repérer une personne qui a ici une bonne récitation d'une personne qui n'a pas une bonne récitation, souvent avec cette lettre-là, qui est le dad. Wadih. Comment on sort le dad? Le dad, ici, vous avez la langue. D'accord? Vous avez la langue ici. Et on avait dit, il y avait la dentition en haut. Donc là, on parle des dents d'en haut, hein. Donc ceux-là, hein. Wadih. Molaire et prémolaire. Et ici, on a la langue. Il faut que, pour sortir le dad, il faut pas croire que c'est la langue tarful lisan qui s'appuie sur le devant du palais. C'est une erreur, ça. Le dad, on le sort pas comme ça. Ici, ça doit être descendu. Et c'est les côtés qui doivent prendre appui sur les côtés des molaires et des prémolaires. D'accord? C'est-à-dire que la langue, elle doit, d'accord? Donc quand on parle de wasatul lisan et les côtés de la langue, d'accord? Les côtés de la langue doivent se lever comme ça. Et de là, vous allez sortir le... Regardez. Là, je prends ma langue et je prends appui en haut. sur les côtés, à l'intérieur des molaires et des prémolaires. Et le devant de la langue, ici, il n'est pas appuyé. Il ne joue en rien sur le fait, il n'est pas du tout appuyé sur le devant du palais. Elle descend un peu. Et là, je pars de là et je sors le dad d'ici. Da, da, da, da. Ma langue devant, elle est complètement descendue. Alors que des personnes vont penser que le devant de la langue, il doit être appuyé. Et ils vont sortir, et tu peux sortir un peu le son, mais c'est une erreur. Tu vas faire ba. Regardez là, je le sors. Ba. Mais j'ai appuyé. Ba. Là, tu vas doubler d'effort, et tu vas être amené à faire des erreurs quelquefois. Soit en dérivant dans le del, ou alors en appuyant trop, et ça va te donner un ta. Parce que le ta, ça c'est son point de départ, comme on va le voir. C'est pas comme le da. Le da c'est spécifique, le da c'est au fond. Mais ama le ta, là je suis d'accord avec toi, c'est là devant. Lakin toi, si tu prends l'habitude de dire da en mettant le devant de la langue, à un moment tu vas tellement appuyer que tu vas sortir facilement le ta. Il va ressembler facilement. Et pour différencier, parce que c'est des lettres qui se ressemblent, donc ici tu vois, tu as une autre technique pour sortir le ba. Sans exagérer, parce que ici on n'exagère pas dans les lettres emphasées. T'as même pas besoin d'exagérer. La lettre elle est claire, la différence elle est claire entre le da et le da. C'est clair, t'as pas besoin de faire ba. Non, ba, da. Ba, da. D'accord? Et ici il y a le ta, ça on le verra, ça c'est en appuyant devant. Il y a les photos, vous les verrez, inshallah ta'ala, à travers l'écran, mais ça c'est pas parce que vous avez vu une photo et vous avez vu une explication que vous allez réussir. Ça c'est de l'expérience, c'est au fur et à mesure, c'est de l'entraînement, pas le choix. Les règles de tajwid, makharij al-huruf, c'est à force de s'entraîner, de faire réciter. Je l'ai bien sorti, vérifier une personne qu'elle aurait fine et te faire, c'est comme ça, hein. C'est impossible, quelqu'un il va entendre de la première, je l'ai sorti d'un coup. Ça, c'est un exercice, attention. Faut réussir à travailler la langue, à s'habituer, à positionner bien la langue. Tu arrives pas du premier coup. Ça, c'est logique. Wadih. Donc là, on a le ba. D'accord? Qui s'appuie sur les molaires et les prémolaires, sur les côtés. Et c'est les côtés de la langue qui travaillent, qui se lèvent. La langue, elle se lève comme ça. Wadih. C'est ça qui fait sortir le ba. La pointe de la langue, ça, c'est pour le sixième. Point d'articulation, la pointe de la langue. Là maintenant on est dans la pointe de la langue, légèrement en dessus du lème, s'appuyant contre la muqueuse palatine, forme le point d'articulation de la lettre du Nun. D'accord? Donc ici on a la lettre Nun, et la lettre Nun, il te donne une référence avec la lettre Lam. Donc ici le Nun, ici ils utilisent des termes techniques qui même moi je connaissais pas, hein. Donc ici El Mouhim, c'est pour vous montrer si on veut le devant du palais. D'accord? Jusqu'en on commence à coller ou à s'approcher des dents. Clair? Ou à la limite, d'accord, la frontière, si on veut, entre le palais et les dents. Wadih, c'est le devant. Donc là, tu colles ta langue, tout simplement, parfouli, c'est le devant de la langue, tu le colles, d'accord, sur le devant du palais pour sortir le Nun. Ça, c'est simple. Wadih, Nun. Clair? Donc, on a le Ra. Le Ra qui est emphasé. Si on prononce avec une Fatha. Sinon, il y a beaucoup de règles sur le Ra. On le verra bi-idnillah azza wa jal. Clair? Et ici, ça sort de ce qu'on appelle Ra'sul Lisan, sous le point d'articulation du Nun, s'appuyant contre la muqueuse palatine en faisant vibrer le dos de la langue, formant le point d'articulation du Ra. D'accord? Donc le Ra, on met la langue dans, vous voyez le Nun, Ra, c'est le même endroit. D'accord? Simplement, comme ils ont expliqué, il faut faire avec les termes qu'ils ont expliqués ou qu'ils ont donnés, je reprends les termes, hein, en faisant vibrer le dos de la langue. Ra. D'accord? On a le huitième point. S'appuyant, c'est-à-dire la langue s'appuyant contre la muqueuse palatine des incisives, cette fois-ci centrales, supérieures, forme le point d'articulation du ta, da et ta. D'accord? On a le ta, le da, le dal et le ta. Wadih? Donc ça, c'est, on s'appuie où? On a dit? Donc, ici, contre la muqueuse palatine des incisives. Et là, on appuie dessus. Ta. D'accord? Le ta. Là, maintenant, simplement, on va l'emphaser. Ta. Pour sortir le ta. C'est pas comme le ba. On le sort pas de la même endroit. On a, le même endroit, on a compris, hein. Et ici, ta. Donc, ba. Non? C'est le ta. Et le. On a dit quoi? Del. D'accord? Ces trois, ils sortent du même point d'articulation. Regardez. Et ensuite, on a la pointe de la langue. Ça, c'est le neuvième point de sortie. La pointe de la langue avec ce qui sépare les incisives centrales inférieures forme le point d'articulation du Sad, Sin et Zay. D'accord? Sad, Sin et Zay. Donc là, quelle explication on a? C'est la langue avec ce qui sépare les incisives centrales inférieures. C'est clair? Ça veut dire que là, on avait, pour les athlètes comme le Del, la langue, on l'appuyait sur les incisives supérieures. Les dents de devant, derrière. Mais là, c'est les dents de devant, mais d'en bas. Clair? C'est là, sur ça, que tu vas prendre ici support. Donc, un peu avant. Donc, ici, c'est du point de vue, au niveau plutôt inférieur. Clair? C'est de là que vont sortir ces lettres-là. Donc, tu mets ta langue en bas. Sad. D'accord? Sad. On a quoi encore? Sin et Zay. D'accord? Zay, Sin et Sad. Abdallah, j'ai pas les photos, mais bon. Claire? Donc ceux qui verront après, vous les verrez les photos, inshallah. Donc, clair. Donc là, la langue, attention. Pensez que c'est Zay, au milieu des langues, des dents en les serrant derrière. C'est où? C'est à la partie inférieure. Derrière, c'est là que tu appuies. Pour sortir le Sin, le Sad et le Zay. Zay. Zay. C'est en bas. D'accord? Et il nous reste le dernier point de sortie, c'est la pointe de la langue. Donc on parle toujours de la pointe de la langue, hein, la pointe de la langue s'appuyant contre la pointe des incisives centrales supérieures, d'accord, en prenant la précaution de sortir la langue légèrement entre les dents, forme le point d'articulation des lettres va, vel et tha. Donc on a le ذل, ثا et ظا. La pointe de la langue, on la met entre les dents, d'accord, et on la sort un peu. Clair? Et ici, il faut faire attention, il faut que ça soit léger. Quand c'est le ذل, d'accord, ثا, il faut appuyer. D'accord, tu le sors mais tu appuies. ثا. Mais le point de sortie, c'est pareil. D'accord, ذل. D'accord, ثا et ظا. Et va. D'accord? Et va. Donc, pour ces trois lettres, il faut mettre la langue entre les dents. Wadih. Entre les incisives. D'accord? Inférieures et supérieures. Clair? Ça, c'est pour les sorties des lettres. Au niveau de la langue. Et il nous reste Deux points rapides, inshallah ta'ala, pour finir makharij al-huruf, comme ça au moins c'est clair les cours. Il y a la première introduction sur l'histoire, la deuxième makharij al-huruf, mais tout cela on va les revoir hein, dans les détails. Mais là je vous mets, comme je vous ai dit, je vous ai donné un peu en bloc, d'accord. Et ensuite on va les reprendre au fur et à mesure, bi-idhnillah. Donc ici on a maintenant al-huruf, ici al-shafawiyya, d'accord. Quand on parle de lèvres, on dit al-shafatan, donc c'est les deux lèvres, d'accord. Ou si on utilise harfu jar, on va dire min ash-shafatayn. D'accord? Sinon, à la base, c'est shafatan, ash-shafatan. Donc, ici, c'est les deux lèvres, les lèvres. Donc, ça, c'est les points de départ des lèvres. Ça, c'est simple. C'est les lèvres comprennent deux makharij. L'intérieur de la lèvre inférieure, s'appuyant contre eux, la pointe des incisives centrales supérieures forme le point d'articulation de la lettre fa. Vous le voyez de toute façon. Ici, le fa dans le tableau que vous avez un peu récapitulatif, hein, vous avez le fa. Donc ici, le fa, on le sort d'une façon assez simple. Fa, c'est l'intérieur de la lèvre, d'accord? L'intérieur de la lèvre inférieure. Fa, c'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur dedans la lèvre inférieure du bas. Donc, s'appuyant contre la pointe des incisives, les incisives de devant en haut. Donc la pointe des dents, on les appuie sur la lèvre inférieure à l'intérieur. D'accord? Clair? Et centrale, incisive centrale, d'accord, supérieure, forme le point d'articulation de fa. Donc la pointe des incisives, on va les appuyer sur la lèvre inférieure à l'intérieur et on va sortir le fa. Fa. Clair? Fa. Ça c'est simple. Et maintenant le point de sortie concernant le ba et le mim, on parle toujours de ash-shafatan, les deux lèvres, les lèvres. Entre les deux lèvres se forme le point d'articulation des lettres. Waou, waou. Donc c'est en utilisant les deux lèvres, en faisant un rond avec la bouche. Waou. D'accord? Wa, wa, wa. Tout simplement. D'accord? On a le ba, c'est en collant les deux lèvres. Il faut la lèvre supérieur et inférieur, faut les coller, bas, et on a le mime, il faut coller les deux lèvres, mime. Donc on sait que ici elle a deux points, deux makharij, d'accord, où ils ont deux makharij les lèvres, clair. Et on a maintenant al khayshoum, c'est la cavité nasale, le nez, d'accord. Et ici, c'est le dernier point de départ. Donc, on a parlé de Al-Jawf. On a parlé de quoi? Al-Halq. On a parlé de quoi? Al-Lisan. Et là, on a quoi maintenant? Al-Khayshoum. Donc, la cavité nasale, c'est ce qu'on appelle le naziment Al-Ghunna. Ils l'ont mis ici. Vous voyez, c'est en bleu. C'est la cavité nasale, c'est de là que sort le son de Al-Ghunna. Quand on vous dit Al-Ghunna, c'est quoi? Ça sort de là. D'accord? Contrairement à Al-Jaw, comme par exemple A, est-ce qu'il y a une runna? On voit que ça sort par là. A, il n'y a pas de runna qui accompagne. D'accord? Il n'y a pas d'obstacle. Mais il y a d'autres lettres, là on va parler de runna. Il y aura une runna. Et là tu vas sentir que ça sort par là. D'accord? Du côté de la cavité nasale. Et cela se produit avec le noun et le mim quand elles portent une shedda. Une shedda quand ils portent ici. Donc, cette marque qui va te montrer que tu dois doubler la lettre. Donc à ce moment-là, ça se passe comme ça, c'est-à-dire avec Al-Ghunna pour la lettre Noun et la lettre Mim. Ou encore, quand le Noun et le Mim et le Tenwin sont sakin, ils portent une soukoun. Quand il y a le Noun, le Mim, d'accord, et le Tenwin, d'accord, An, In, etc., ils sont sakin, portent une soukoun. D'accord? Mais ça, il y a des conditions et ça, on le verra par la suite, inshallah ta'ala. Si on prend le noun, regardez, est-ce que vous sentez que ça vibre dans la cavité nasale? Oui ou pas? Donc vous sentez qu'il y a un son qui sort de la cavité nasale. D'accord? C'est ça, al-ghunna. Et on a avec le al-mim. D'accord? Donc, donc là, on sent qu'il y a un son qui sort. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de la cavité nasale. D'accord? C'est ce qu'on appelle al-ghunna. C'est pour ces deux lettres. Le noun et le mim. Le noun et le mim. Et là, il nous reste maintenant trois points. Ça, c'est concernant des cas isolés. Ça, j'en parle rapidement, mais on en reviendra ici. C'est trois cas isolés qu'il y a dans le Coran. Dans la récitation de Hafs, il y a que, pour deux cas ici, une fois qu'il se passe dans le Coran. On va parler de trois cas. Ici, dans certains mushaf, dans certains Corans, ils mettent des signes pour nous montrer ces règles-là. Quelquefois, vous allez voir un petit losange au-dessus d'une lettre, d'accord, ou en dessous d'une lettre. Vous allez voir un point noir, mais en gras, d'accord. Et quelquefois, un autre losange, mais d'une autre manière. Donc, ça, c'est des cas isolés qui se passent très rarement dans Hafs. Dans trois cas, je vais vous montrer qu'une seule fois, je vais vous montrer dans les versets, dans Sourate Yusuf, etc. Et ça, c'est des manières qu'on doit prononcer ces lettres, mais très très très subtil. C'est-à-dire, c'est des cas vraiment, yani, pour réussir à les saisir, voilà, faut faire très attention. Clair? Et donc ça, c'est ce concernant al-alif, al-mumal. D'accord? On va parler de, ici, al-hamza, al-musahala. D'accord? Et ici, on va parler de al-ishmam. Ça, c'est trois cas qui sont très rares, et on va parler dans les endroits où ils sont situés dans la récitation de Hafs, et comment les prononcer, et comment bouger les lèvres pendant qu'on les prononce. Et vous allez voir que il y a des lettres qu'on doit faire une simulation dessus. Comme si tu allais faire une dhamma, c'est-à-dire sans que les gens l'entendent, mais toi tu es obligé de le faire. Et ça, c'est dans, par exemple, Al-Ishmam, et on le verra, bi-idnillah azza wa jalla. Ça, c'est trois cas, ils sont rapides. Il n'y a pas de mal que je les fasse rentrer dans le prochain cours, ici, inshallah ta'ala. Et, ala kulli hal, ça, on a terminé aujourd'hui le cours 2 qui concerne makharij al-huruf, c'est-à-dire les points d'articulation, les points de sortie des lettres. Et bi-idnillah azza wa jalla, ça, je le rappelle, c'est un peu en masse. Il y a l'enregistrement, vous pouvez réécouter, prendre votre temps. Et ensuite, bi-idnillah, on prendra le temps, quand on va expliquer chaque règle dans les détails, inshallah ta'ala, on prendra le temps de refaire, ici, remontrer le point d'articulation de sortie de la lettre, et comment la sortir, comment l'emphaser, comment la rendre aiguë, etc. Ila akhiri, wallahu ta'ala a'lamu ahkam, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alamin. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى